C'est midi bien tapé, le cagnard vient frapper de ses rayons ardents la route du galibier. Debout sur son vélo, Jojo est en sueur, il vient défier la chaleur. Et il file la 15 à l'heure, il a le temps de tout voir, les tourterelles et les fleurs. Mais il ne sait pas encore que dans moins d'un quart d'heure, il aura un coup de cœur. De l'autre côté du col, gronde un bolide rouge, Anthony frime au volant de sa Lamborghini. À ses côtés se trouve la charmante Lily, vêtue d'une jupe fleurie. Et ils foncent à 150 à l'heure, il n'a le temps de rien voir, il connaît le parcours par cœur. Mais il ne peut pas prévoir qu'un imprévisible hasard changera le cours de l'histoire. Car plus haut, dans le dernier lacet, se détache un gros bloc mal placé, ignorant tout de la gravité liée aux lois de la gravité. 20 000 ans qu'il attend cet instant programmé par la pluie et le vent, le voici, improbable rocher qui surgit, tel un mur spontané. Tony n'a d'autre choix que foncer dans le décor pour épargner leur corps. Puis dresse le constat qu'il va rentrer à pied et que Lily s'en est allée. Quelques instants plus tard, Lily a rencontré Jojo, pas mécontent d'être ainsi vélo-stoppé. À deux pour partager une selle mono, le retour fut plutôt rigolo. Cherchez dans cette histoire, quelle est la conclusion? Qui est mieux équipé pour cette situation? Dans le feu de l'action, sans autre réflexion, Lily a fait sa vélorution avec un garçon plein d'attention.